l'émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Niro. Passez une bonne soirée après l'événement avec Emric, Jay-Z, Beyoncé qui débarqueront en France les 12 et 13 septembre. C'est ce qu'on a pu écouter pendant une heure. Autre événement, la dernière avec Niro pour son Planète Rap et l'album Miraculé. Ouais, salam alaikum. Comment ça va? Ouais, alhamdoulilah, et toi, Fred? Bah écoute, en pleine forme aussi. L'équipe de Street Lourd est là, tout le monde est à l'heure. Ce soir, c'est la guerre soviétique. C'est vrai? La grande époque, la guerre froide. À mon avis, vous allez plus jamais nous rappeler après ce soir. Oh merde. Non, on a des grosses surprises pour vous ce soir. On a un gros freestyle aussi. De la bonne humeur, de la joie. Et franchement, je vais te dire la vérité, je peux ou pas? Bah vas-y. À la base, j'allais ramener une tondeuse pour te mettre un petit tondeuse en traite. Et où est la tondeuse? Mais putain, j'arrive pas à la trouver. Tant mieux. T'as de la chance. J'ai eu chaud, quoi. C'était ça mon track. Mais il se pourrait que pendant l'émission, il y a un ami à moi qui sorte d'un buisson et puis. Est-ce qu'on peut commencer par Moscou? Ouais. Voilà. Chanteuse. Moscou Prums, chanteuse. Ah, Moscou, il est bien, moi j'aime bien sa nouvelle coupe. C'est vrai qu'il y a un truc. Ouais, il a du style, il est beau gosse. Ouais, très beau gosse. D'ailleurs, vous pouvez juger par vous-même, puisqu'il y a les images qui sont dispo sur Skyrock.fr. Sur l'application Skyrock, allez-y, vous balancez tous vos messages avec le hashtag Niro sur Skyrock. L'album est toujours dans les bacs depuis lundi, il marche fort. J'ai vu que t'étais repassé devant la bande à Renault. C'est pas au courant, ça, c'est beau ça. On n'était pas au courant, on leur pète la gueule à la bande à Renault. La bande à Nono. Mon petit loup. La bande à Nono contre la bande à Renault, on va vous péter la gueule. Non, bien, je suis grave content, voilà. J'espère que tous les frères et sœurs qui m'écoutent continueront à acheter l'album, voilà, parce que le principal, c'est qu'on fasse un vrai score et que on emmène notre musique le plus haut possible, comme je le dis souvent. Donc voilà, mon petit loup, supportes, va chercher l'album Miraculé dans les bacs, je le dirai jamais assez. C'est le meilleur album que j'ai pu faire. Et Momo qui me transmet donc la première journée de la Coupe du Monde avec le Mexique qui vient de gagner face au Cameroun 1-0. Oh. Franchement, je suis déçu, je voulais que le Cameroun il gagne quand même. Bon, j'aime bien Mejai Chicanos, tout ça, mais. C'est pas fini. Il reste encore quelques matchs. Ouais. Ah, Momo, ton pronostic, ça va être dur pour le Cameroun. Ah ouais. Momo me dit que ça va être dur et premier sur le foot, donc autant vous dire que ça va être dur. Bah, moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, hein. T'as vu, rien n'est définitif. Le foot, c'est des paramètres. Des fois, t'as des mecs qui sortent d'une campagne et. Ils peuvent te déboîter l'équipe de France. Hein. Bah déjà, hein, regarde hier, hein, le Brésil. C'était chaud pour eux. 3-1, ouais, face à la Croatie. 3-1, pour moi, ça veut plus rien dire, le foot. Il y a toujours des. Le foot, c'est comme le rap. Il y en a, ils peuvent sortir de n'importe où et briser tout le monde. Et ben, on suivra ça pendant un mois. Ouais. Avec le son de Niro, entre les matchs, vous le mettez à fond. Ah là, bien, cousin, même pendant les matchs. Et pendant les matchs, je prends sur moi, on débute avec. Ouais, allez, pourquoi pas. On fera le replay dans un instant, juste après le morceau. Allez, c'est parti. Seigneur, je prends sur moi, miraculé dans les. J'essaie de me tromper à mort. Aujourd'hui miraculé, mais gros je guéris salement. Je vois leur chatte qui fait des bulles quand je passe en berline allemand. J'ai pris mon temps, je suis resté constant. Content ou pas, on connaît la pente quand la remontant. V'là le temps passé en voie, à bois lourd et la jumpa. Alourdir mes péchés, faire du mal à mes semblables. J'ai pas pris du poids, j'ai pris sur moi, poteau pris pour moi. J'écoute personne, tout le monde est sournois, je suis devenu sournois. Ils me boycottaient, j'écoutais leur speech. Ils sont dit, j'ai refusé leur pipe. En vrai, je préfère me couper la bite que me faire sucer par ces bitches. Nous, c'est comme face et pipe. Ils pensent avoir tout vu avant d'avoir passé le pire. Tes rappeurs seront là où je suis dans 10 piches, ni quoi, c'est pipe. On changera pas la face du monde juste avec des mots. et se plonger dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Hey, comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre de savoir qui a tort ou raison. Je comptabilise les échecs, j'en ai fait des victoires. Impliqué dans v'là les histoires, je m'étonne pas d'être critiqué. On aura ce qu'on méritera. J'oublierai pas quand ces salopes m'ont fermé les portes. J'ai avalé leur double vitrage. Je passe d'hôtel en hôtel, transite de ville en ville. Je rencontre les frères et sœurs qui m'aiment parce qu'on a la même vie. Des barres de rire, comment m'interpelle. Des braqueurs à mes concerts, recherchés par Interpol et risque la perpète. Chez nous, des crises de rire aux crises de nerfs. Pour toi y'a qu'un pas. Tu m'atteins pas quand tu m'allumes dans le dos. Gros tu m'éteins pas. J'ai de la grégousse dans ma culotte. De la suite dans les idées. Des idées par la suite de ma carrière. Je suis resté fidèle à mes soldats, je suis toujours fidèle à ma clique. Miraculé seulement parce que je suis fidèle à ma street. Je perds patience comme les reins qui tournent après la terre. Je prends sur moi, j'attends mon heure. Mais ça commence à faire long. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Les yeux plongés dans le vide, on voit même plus passer les saisons. Hey, comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre, savoir qui a tort ou raison. J'prends sur moi. Miraculé dans les bacs, Zulu. N.I.R.O. Street Loop. Et là c'est la dernière. On vous met bien. Continuez à envoyer des messages. Ferma Dream Team. N.I.R.O. Street Loop. C'est Niro, notre invité, je pense, sur moi. Il serait l'album Miraculé sur Skyrock entre 20h et 21h. Et il y a aussi une annonce, on en avait parlé un petit peu en début de semaine. Ouais. Tu vas réaliser un clip, enfin, pas toi directement, mais il y a un clip autour de Viva Street qui va être fait. Alors attends, parce que ça, c'est très important. C'est très important. Mesdames, mesdames, parce que ceci est adressé uniquement aux dames. D'accord, aux femmes, aux jeunes filles de tout âge, de 7 à 77 ans. Par contre, les mecs, vous pouvez prendre les photos de vos nanas. Ouais, les mecs, vous êtes derrière la caméra, vous filmez. Okay. Voilà, pas des photos, des vidéos. Ah, c'est des vidéos. Des vidéos. En fait, ce qu'il faut, c'est que, toutes les meufs qui m'écoutent, toutes les meufs qui me supportent, c'est impératif. J'aimerais que toutes ces femmes-là m'envoient une vidéo d'à peu près 3 minutes 30, le temps de la chanson. J'ai envie de recevoir là 400 vidéos de meufs qui chantent Viva Street en entier. À partir de là, dès que j'aurai toutes ces vidéos là, la semaine prochaine, je donnerai rendez-vous aux meufs, à toutes les femmes d'ailleurs. Donc qui te suivent sur les réseaux sociaux par exemple. Qui me suivent sur les réseaux sociaux, qu'elles aient envoyé la vidéo ou pas, si elles veulent juste qu'on se rencontre ou quoi. Et donc voilà, le lieu je vais pas encore le donner parce que je risquerais de perturber mon truc. Mais je vous donne le lieu dans la semaine sur les réseaux sociaux, officiel Niro sur Twitter, Niro sur Facebook. Et je vais faire un sorte de clip. Je vais faire un clip en fait avec toutes ces vidéos de jeunes femmes qui chantent. Et la projection se fera la semaine prochaine. Donc, à cet endroit justement. Tenu secret pour l'instant. Donc en gros, voilà. Vous êtes une nave, vous filmez sur le son de Viva Street. Voilà, toutes les vous filles. Chantez les paroles, chantez-la en entier. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a un lieu symbolique. Voilà. On va faire une projection. Il y a grave des surprises dans ce clip-là. Il n'y aura pas que des meufs des meufs lambda ou des. Tu sais, il n'y aura pas que des fans. Il y aura aussi des artistes. Il y aura aussi des femmes qu'on connaît qui sont proches plus ou moins de nous et qui nous supportent. Donc voilà, j'invite toutes les femmes à faire cette vidéo. Je vous donne l'adresse. L'adresse c'est Viva Street Niro. @gmail.com. @gmail.com. Tout attaché. Voilà. Allez-y, donc vous balancez. Je répète l'adresse une dernière fois. Oui, mais on leur filera avant la fin de l'émission. Voilà, vivastreetniro@gmail.com. Envoyez vos vidéos, les filles, on vous met bien. On va vous monter un clip et la projection se fera la semaine prochaine dans un lieu symbolique. Et puis voilà, et puis c'est un joli clin d'œil à ceux qui peuvent te reprocher justement d'avoir des problèmes. Ouais, voilà, et puis ça, c'est un très gros clin parce que tu sais, cette nuit, j'ai rêvé de monsieur le maire de Fleury-Mérogis. Oh merde. Et j'ai pas trop aimé ce rêve, tu vois, mon petit loup. Moi, non, je te demanderais pas ce que vous faisiez dans le rêve ensemble, mais Non, je faisais rien dans le rêve avec lui, mais c'était avec toi dans le rêve. Il m'a coupé les cheveux. C'est bizarre, vous étiez tout nu. Oh merde. Je sais pas trop. Couper les cheveux tout nu, je sais pas. C'est un message subliminal. Tu rêves des trucs bizarres. Non, sérieusement. Non, mais c'est très sérieux là ce que je vous dis. Donc envoyez Viva Street. J'invite toutes les femmes à chanter. Regarde, il y a Amy qui envoie déjà une photo. Alors c'est pas des photos. Elle est prête pour la vidéo, elle, elle a mis big up. Big up à toi, ma copine. Et bah Amy, tu t'enregistres tout le week-end et tu l'envoies à Viva Street Niro. Voilà, ce week-end-là, envoyez toute vidéo. Envoyez. On va faire un clip lourd. Et il y aura grave du monde pour la projection. On va se réunir. Et voilà, on découvrira le clip tous ensemble. Mes très chers amis. Et bah très bien. Donc allez-y, vivastreetniro@gmail.com. On refilera l'adresse avant la fin de l'émission, évidemment. Voilà. Rappelons un petit peu ce qui s'est passé hier dans l'émission, puisqu'on n'a pas balancé encore le replay. Ça donnait ça hier, l'ambiance. Je sais pas si t'as vu le message qui vient de passer à l'instant. Je bosse avec un mec, sa nana lui a dit sur le morceau par rapport à la mort ou Chichi. Ouais. Elle lui a dit, moi c'est Chichi jusqu'à la mort. Oh, eh bah dis donc, il y en a, ils sont gâtés. Hein. Je veux que vous fassiez un maximum de bruit, s'il vous plaît. Vêtu comme un pirate, vêtu comme un sistra. Vêtu comme un pirate, vêtu comme un sistra. À ceux qui sont rangés, ceux qui sont encore dans la bicra. Ghetto youth ont fait flipper la France comme la licra. Fourmi. Quand y'en a pour, y'en a pour. Tu crois nous avoir en tête, t'inquiète même pas. On va créer tout là en tête, t'inquiète même pas. Gros son sur le périphérique, t'inquiète même pas. Gros son sur le périphérique, t'inquiète même pas. Ils veulent savoir combien on pèse, t'inquiète même pas. L'album est vraiment obèse, t'inquiète même pas. Niro, donc c'était hier soir dans l'émission avec Nino Brown qu'on salue, avec violent, Koro qu'on salue également. Salam à Koro, salam à Nino Brown. Je vous envoie tous mes respects, les frères. Salam à Chinois, salam à tous les frères de BLO. Ce soir, il y a des mecs de Blois qui arrivent là. Ils sont sur la route. Ils sont très très énervés. Donc voilà, ce soir, tu vas avoir le droit à un gros freestyle. À pas louper d'ici quelques minutes. Voilà, je vois déjà Ramucho qui vient d'arriver avec sa grande tête. Je vois déjà mon pote Chinois qui est là. Ils sont là, ils arrivent. Donc on vous met. Et bien on va découvrir. On va découvrir. Et on a une grosse surprise. On a un gros invité ce soir aussi qui vient. Et je vous un indice. Il est là l'indice. Ok. Voilà, moi je fais une dédicace à La Hyène Blaguette. Ouais, La Hyène Blaguette. Voilà B. Voilà. Hicham le frérot, Hicham de Dunkerque. Aïe, Anas d'Orly. On est là la famille. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, messieurs? Moi j'aimerais bien Perdu. Ouais, Perdu. Ah bah très bien. Perdu. On l'a mis en début de semaine. Très bien. Et bah on va le mettre maintenant. C'est parti, Perdu, c'est extrait de l'album Miraculé, l'album de Niro qui est dans les bacs depuis lundi. Yeah. Toi, Cli, Bruno, toute la cité là qui écoute. Bam bam. Bibi. Bébé. Franville, Champigny. Orly, Choisy, Vitry. Shakira. Je sais pas où tu vas, poteau, moi non plus. Je suis perdu comme toi, je veux faire du rendement. Pour que nos fins de mois soient moins dures que nos vies, mon rêve, faut faire du changement. J'ai dû perdre mon sol, on va voir au-dessus ce qu'on peut faire en dessous pour les rails du zoo. Je me vois en barcon, je me libère des autres. Je perds des sous, je récupère du sous. Demande pas pourquoi on t'en a pas, ils veulent prendre ta place, tu comprendras pas. Le trait en marche, qui nique sa grand-mère, c'est une grande race basse, nous on le prendra pas. La folie nous freine, faut qu'ils nous prennent au sérieux, faut qu'ils nous prennent, faut qu'ils comprennent qu'on est tous prêts à prendre une grosse peine à Fleury ou Fred. Pour le respect, t'es terre comme Rinato. On leur a fait ruiner trop tôt. Mais de quoi tu me parles toi poteau? Ferme ta gueule, arrache-toi d'auto. La gloire me sourit avec les dents chaudes. Malgré tout, je me suis pas fait du pain. Les étoiles montantes sont devenues filantes depuis que la lune m'a fait du pain. J'aurais voulu faire MR pour cadrer le périmètre. Miraculé dans les bras. Perturbé, un stop comme un intérimaire. R.O. Je me soucie pas de ce que j'aurais pu être. C'est lourd. Je suis pas moitié de ce que j'aurais voulu. Ok, perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Eh la Dream Team, je vous vois. seul but se faire du perdre tous mes soldats. Perdu, perturbé, perdu, perturbé. Mon seul but se faire du blé. Je voulais le salaire à Eto. Ils m'ont dit faudra le veto. Je me suis levé tôt, il caille sa mère. Y'a pas un euro dans le ghetto. Ma daronne m'a dit mon fils, soit tu tapes ou soit tu te bats. Moi je veux pas tes sacrifices. Je te l'ai déjà dit depuis le départ. Dis-moi qui va t'épargner l'enfer. C'est pas tes soi-disant frères qui sera là jusqu'au bout de ta peine. Quand t'auras pris 10 enfers. Même si je dois crever la dalle, je mangerai pas ton argent sale. Tiens, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai trouvé ça sous ton armoire. Tu comptes me nourrir avec ça. Moi j'ai pas accouché d'un sale chemin. Encore plus perdu depuis la mort de Mouimallah Rahman. Je suis du père comme un orphelin. Je fais confiance qu'à Dieu et à mon insta. J'attendrai pas que tu prennes mes pattes. J'ai peur d'aucune de ces grosses quintes. J'aurais voulu faire MR. Pour cadrer le père et mère. Perdu, perturbé, instant. Comme un intérimaire. Je me soucie pas de ce que j'aurais pu. Je suis de la moitié de ce que j'aurais pu. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Mon seul but c'est faire du blé. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Mon seul but c'est faire du blé. J'aurais voulu père et mère. Pour cadrer père et mère. Perdu, perturbé, instant. Comme un intérimaire. Je me soucie pas de ce que j'aurais pu. Je suis que la moitié de ce que j'aurais dû. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Seul but c'est faire du blé. Perdu, perturbé. Perdu, perturbé. Ton seul but c'est faire du blé. Miraculé dans les bocs. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Niro, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h avec du live dans quelques minutes, un gros live de prévu. Peut-être un autre morceau aussi qu'on passera extra de l'album Miraculé. Ouais, ouais, mais on va y passer ennemi ce soir pour rien nos ennemis. Voilà, et on a quoi d'autre que tu veux passer aussi? Bon, ben après, on attaquera le live. Parce qu'il paraît qu'il y a du live, il y a beaucoup de monde. Ah, il y a du live, il y a pas beaucoup de monde, mais il y a du live, ouais, il y a quelques têtes que j'ai ramenées, tu vois. Après, après, tu verras. Des surprises. D'accord. Ils sont très très chauds, ils sont là, là, je les vois tous arriver petit à petit. Ah oui. Ils vont faire très très mal. Et bah, ça va pas louper, on va rappeler aussi les dates de concert, parce que beaucoup de gens demandent Niro, viens chez moi, viens à côté de chez moi. Ouais. Viens en concert. Bah, écoute, là, on envoie bientôt, Inch'Allah, on envoie le toutes les dates de concert, mais là, les seules dates vraiment confirmées qu'on a pour l'instant à vous donner, les billets, ils sont déjà disponibles. S'il vous plaît. Enfin, c'est les dates où les billets sont disponibles. Voilà, je vous entends tous dans mon truc, là. La première date, c'est le 26 novembre à Lyon. Voilà. La deuxième date, c'est le 27 novembre, c'est-à-dire le lendemain à Marseille. À Marseille. Et la troisième date, c'est le 28, c'est-à-dire encore le lendemain, au Bataclan à Paris, pour tous ceux qui nous réclament sur Paris, voilà. Et puis il y aura d'autres dates évidemment pour la grosse tournée autour de cet album et puis des extraits aussi des précédents, enfin voilà, plein de choses en tournée. Ouais, voilà. Pour aller voir Niro. Petite question Niro ce soir, comme d'hab, pour repartir avec l'album dédicacé. Attention, là c'est une question difficile. Je nique ton jeu ou pas? Non. Déjà, t'as raté la tondeuse, j'ai une arme là en dessous de mes pieds là. Ne nique pas le jeu, tu sais pourquoi? Parce qu'on va voir qui a vraiment acheté l'album. Bah voilà, allez. À moins qu'il y en ait deux trois qui grattent sur le net. Sur le net, ouais, la plupart c'est des gratteurs sur le net même. La question est la suivante. Quels sont, et alors là je veux les noms, quels sont les featuring présents sur l'album Miraculé de Niro? Ouais, c'est un bon jeu. C'est quoi la question? J'ai vu que t'étais perdu. Ah, je suis perdu. T'étais perdu comme ton morceau. Exactement. Qu'on vient d'écouter à l'instant. Ah, mais ça m'arrive souvent d'être perdu. Voilà. Quels sont les noms des featuring avec toi sur l'album Miraculé? Voilà, je nique ton jeu ou pas finalement? Non. Bon, envoyez vos réponses, c'est au quoi? 41759 avec le hashtag Niro sur Skyrock. Et on vous met bien la famille. Bougez pas dans un instant, on va vous mettre bien avec des extraits d'album. On mettra donc Ennemi après la pub. Et puis on vous attend au freestyle. La roulette qui va tourner, inscription 41759, pareil, avec votre prénom, numéro de téléphone. À tout de suite. Niro a choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec le morceau de Niro, extrait miraculé. Ennemi. Ennemi. Parce que c'est le matou mes ennemis. Miraculé. Dans les boîtes. Street lourd. Je suis plus rare qu'un astéro. Gros cette année, zéro fil. La rue soulève plus qu'un altéro fil. 16 tracks, on débarque dans la villa. Vodka champagne, homme sky et tequila. Bien agulé. De merde, de monter qui est celui-là. Je suis médiatisé comme la chatte à la bulle. Les gars, c'est des parents, pas des sportifs. Ouais. La mixte pleure, a fait mal et la décortique. Ouais. On va les pousser dans les sorties. Bien mort. Numéro 1 sur iTunes avant la sortie. Ouais. Numéro 1 sur YouTube devant ma porte. Ouais. Pour rappeler la rue toujours assortie. Street lourd. Toujours jalouse, le devant ton mort. Ouais. T'avanceras jamais plus vite que mort. Ouais. Je retiens mes foot 3 de M16 et dans les tiers et sur ces lompettes. Restez pépère, on prend les pépères. La rue, c'est sa grand-mère, les pompettes, wesh. La rue, c'est nous, quoi. J'parle aux vrais qui sont concernés. Laissez-les croire qu'ils vous sont cernés. Mais laissez passer ça, l'homme vous permet. J'suis l'ennemi qui veut tout savoir. Pour tout, j'ai pas trouvé la voie. J'prétends pas tout savoir. C'est chacun pour sa voix. Chacun pour sa voix. Bien reculé dans les bols. Coup de boulette sur le Lacoste. Ouais, ouais. Pour nous, la vie paraissait cool. Mineur, on était sur écoute. Très tôt, les côtés sur les fautes. Pense que c'est le mal mes ennemis. Pense que c'est le mal tous mes ennemis. Reggae. Pense que c'est le mal tous mes ennemis. Vers tous les crêpes de Marseille. Paris. Pense que c'est le mal tous mes ennemis. Vélo. Paris. Pense que c'est le mal tous mes ennemis. Lille Roubaix. Pense que c'est le mal tous mes ennemis. Bordeaux. Et à tous les frais au carte-là. Jette l'argent par les fenêtres, je descends sur terre pour ramasser ton peu. Le rap c'est ma salope, va te faire enculer toi et ton peu. Je les ai tous vu dire que j'étais le plus chaud dans le game quand je les ai portés. Reste en bas, ils vont t'escorter. Des bracelets, ils vont plus te supporter. Pour toi, ils tous être des vrais. Mais ils font rien comme ils devraient. Faudrait qu'ils arrêtent de parler de moi. On m'arrête pas, je suis comme le progrès. Ils tentent la main alors qu'à la base t'as rien demandé. Réussis vont t'en parler comme si tu leur avais mendié. Je peux pas changer les mentalités. Même avec mes quatre vérités. Je suis craqué comme un miraculé dans les bottes. Un animal en captivité. Mais pour de vrai. Je quand je vois wow. J'ai jamais pu tourner là haut. Ouais ouais. Pour tout je préfère foncer dans le mur que demander de m'indiquer là haut. Laissez pas les faire du buzz. Tout le monde sait qu'on les baise, baise. Si je me nourris trop de leur haine, j'arrête quoi mourir obèse, baisse. Tous ceux qui m'ont vu monter pendant que je les voyais sécher. Si t'es un vrai, j'ai jamais triché. Je suis pas rappeur, j'encule tes clichés. Parle de moi, t'allèges mes péchés. Pense que c'est le passe le sel, m'a tous mes ennemis, Zoulou. Pense que c'est le m'a tous mes ennemis. Mouré. Pense que c'est le m'a tous mes ennemis. Mouré. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Parce que c'est le mat tous mes ennemis. Et la thérapie. Parce que c'est le mat. Boboche 93 94 93 92 91 95 77 78 75 Bello. Roulez. Miraculé dans les bacs Zoulou. Et là c'est le dernier jour. Paix à tous mes soldats. Paix à tous ceux qui nous envoient les photos avec l'album. Paix à tous ceux qui soutiennent. À tous les chais incarcérés. Paix à tous les ghettos de France. N.I.R.O. La rue pour la rue. Vrai pour de vrai. Street lourd. Teddy Corona. DJ Moscou, Mista et Fello, Zoulou. C'est Skyrock et le Planet Rap avec Niro. L'album s'appelle Miraculé. Wow, et wow, wow, et wow. En même temps, je vais aussi répondre à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Le nom des featuring qui sont présents sur... La Hyène est là aussi, qui est là dans la maison, mon pote La Hyène. Sur l'album Champion de Niro. Zou avec Get Bla, mon pote Get Bla. Il y a les Khaïs de la Submission Team. Attends, avant que tu répondes à ta question. J'ai envie de... J'ai pas le choix. De trois dédicaces. Vas-y. Grosse dédicace à Derka du JT de Derka, Père Maclouf. Maclouf, je sais que t'aimes bien le JT de Derka. Ouais, j'aime bien le JT de Derka. Tu cliques en je clique tout le temps. Ouais, ouais, donc Père à Derka. Paix à mon pote Guest, paix à tous les Khayas Marseille. À la boulangerie de la cité. Koja, paix à la paix à Mustapha, Omar. Mustapha, bah ouais, Mustapha, mets-nous bien. M'a dit tout à l'heure. Tu vas faire la dédicace. Mista, il fait la dédicace à Omar et Mustapha. Khoya Nero, Choma, wallah, vous m'avez même pas dédicacé. Alors les featuring sur l'album, il y a Caris. Il y a Caris. Il y a Nino Brown avec Koro. Nino Brown de Blois, il y a Koro de Blois. Barrington Levy qui est de présent dessus. Barrington Levy, Kingston, Jamaica. Et également Nassi qui est présent aussi. Ouais, il y a Nassi qui est présent, qui est un chanteur très talentueux. Chanteur, je passe le CLM. Qui bosse avec Scalp. Ouais, ah, voilà, il bosse avec Scalp. Et je le connaissais pas avant ce morceau. Franchement, rien à dire, chapeau. Salam à toi, Nassi. Et bah, très bien, c'est un morceau que vous retrouvez sur l'album Miraculé. Ouais, produit par Scalp. Voilà. Salam à Scalp aussi. Salut. Salut. Et là, on accueille Shams de Nantes. Salut, Shams. Salut, salut. Ça va bien Comment ils vont, les frères de Nantes? Ah, on va très bien, avec toi. Alhamdoulilah, mon pote, on est là. T'es prêt pour le freestyle par téléphone? Ouais, je suis prêt. Allez, je suis prêt. Coup d'envoi, Shams. Visage du rap nantais, hey. Pour cette industrie. Ok. Il faut savoir qui je suis. Je suis le reflet de mon ombre. Égocentrique, arrogant, frérot, ça c'est mon côté sombre. Catégorie poids lourd, non, on n'a pas le même qu'à Paris. Ils n'ont toujours pas compris que le talent n'est pas qu'à Paris. Laisse-moi m'occuper d'eux, je leur prépare des scènes horribles. L'appétit vient en mangeant, on a des dégaines de Corée. Allô, Panama, si c'est Nantes, j'espère que tu me reçois. Entre vite, négro, fâché, pomme, c'est Camille Nantraya. Paraît crapé, ça donne du style. Moi, je les trouve trop la steak. Si demain j'arrête le rap, y'a mes petits peu, tu t'as. Protège les miens, tu promets jusqu'au dernier. Défenseur de porterette, emmène tout tous mes années. Donc on m'attend au tournant, négro, j'ai toutes les solutions. Ils finiront le souffle coupé, Maraba Strangulation. J'traîne qu'avec des vrais soldats loyaux, personne ne triche. J'attaquerai au corps pour faire tomber les têtes d'affiches. Soldats du bitume, génération 91. On craint pas le revers de la médaille, qu'ils soient d'or d'argent ou de bronze. Sous le reflet de mon nom, ma vie, j't'en fais le tableau. Qui t'a dit que le rap nantais te tendrait pas le barreau? Ok, Shams, à l'instant en freestyle, bravo à toi. Saha Boto. Merci, merci. Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net aussi, pareil. Sur mon Facebook, Shams, Black Rabza collé. Sur mon Twitter, @ShamsSpartias. Et pour les dédicaces, je les ai pas trop préparées, donc je vais faire ça en speed. À mon frérot Abou qui est avec moi en direct du studio, à Dooms, Larry Barreau, Alan, Riton, et à mes frérots enfermés, Ohed, Mackenzie, Benz, Mohafaïd, Mikey de la Boîte, Boer, Raptar, Caracax, à toute la ville de Nantes, à tout le 44, au quartier nord de Nantes. Mes petits soldats du chêne, mes petits loupards de l'offensive, et qui m'a cette dédicace, elle est pour toi, mon pote, je t'ai pas oublié. Eh ben, merci à toi, Shams. Vas-y, merci à vous, hein. Passe une bonne soirée, on va attaquer le live dans quelques minutes. Moscou, ouais, t'es posé pas, là. T'as... Ils sont pas encore arrivés, les poteaux, donc à la bien, on peut envoyer des donc morceaux. Donc, on peut envoyer un morceau. Voilà, à la bien, voilà. À mon avis, ça va être compté, bloqué dans les bouchons, je sais pas, ils nous écoutent. Vas-y, speedez les Khay, wesh. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Moi j'ai envie de mettre un nouveau morceau, moi, qu'on n'a jamais mis. Et il y a un morceau que j'aime beaucoup et je vais braquer tout le monde. Vous chacun. Allez le mettre, vous êtes obligés, sinon ça va partir en couille. Chacun ses raisons. Ah, c'est un très gros morceau de la musique. C'est un très gros morceau, c'est un autre genre de musique. Les anciens comprendront. C'est une introspection. Les vétérans. Allez, envoie-moi ça. On l'envoie, c'est extrait de l'album Miraculé qui est dans les bacs depuis lundi. Niro. Miraculé dans les bacs. N-I-R-O. J'ai grandi dans la rage, je la crains pas. J'attends que la mort, je sais qu'elle me rattrape pas. Tout seul en bas, j'attends mon papa. Je crois que ce soir, elle arrivera pas. Le temps passe, moi ça m'atteint pas. Tout le monde se tait quand les gars pas. Quand t'as plus de succès avec ton gagne pas. Ils viennent plus tu sais si tu gagnes pas. Je noie mes soucis dans un tapin. Y'a plus de bus, il faut que je rentre à pince. Je m'endors sur les quais, soir ça va pas. Je dors mal, je me réveille quand les crains poissent. Chacun ses raisons, moi j'avais les miettes. Je me suis toujours contenté des miettes. Ils connaissent pas ma vie, parle dans le vide, mec. Dealer qui se mêle de leur vie de merde. Je m'endors à l'heure où mes ennemis dorment. Je me lève à l'heure dans leur cauchemar. Humble et vrai comme Zidane et Fedor. Je regarde le temps défiler sur la route marre. J'pense à arrêter de fumer, ça me fait des trous de mémoire. J'suis troublé, moitié robe, moitié fou. Dis-moi qui parle de moi pour faire le foot devant une fouve. Dis-moi qui sera là pour m'épauler si j'perds tout. Dis-moi combien sont avec moi, combien vivent avec moi, combien meurent avec moi, combien sont prêts à tirer pour moi, faire des vieilles pour moi. T'inquiète pas, on m'a tout dit, moi, on m'a tout appris, moi. T'envoies des mandats tous les 6 mois. Après ils viennent te dire qu'ils t'apprécient. Moi j'ai nagé dans les eaux usagées, pas sur les plages, hein. J'espère mourir à jeun, vu que je vais pas mourir à jeun. Combien ont tourné leur veste pour faire partie de mon histoire. Je veux pas dans leur sens, ça leur plaît pas, tu veux que je te dise quoi, hein. J'ai grandi avec violence, puissance et victoire. En parlant de moi et tournant en langue 666 000 fois, hein. Ils amènent pas leur sale gueule à mes funérailles. Je les ai crossés, gros c'est l'orgueil qui les finira. Au jugement dernier, qui sera là, poteau qui paiera. Tous prisonniers de cette vie, Inch'Allah bientôt libérable. Je rappe pour les gens qu'ont pas eu d'enfance, pas d'habitat, pas d'espace vital, pourtant on habite en France. Pour les gosses à l'hôpital, à qui personne ne pense, à ceux qui se retiennent de pleurer pour cacher la souffrance. Chacun ses raisons, mon pote. Pour de vrai, on fait ce qu'on peut, hey. On fait ce qu'on peut, miraculé. Il faut que tu le saches, dans les bacs, pas mieux que toi, hey. Chacun ses raisons, chacun ses raisons. Faire du mal, du bien. Aux autres ou à soi-même. Chacun ses raisons d'en être arrivé là où il en est. C'est le passé qui fait les choses. Et le passé on choisit pas. Nous on choisit l'avenir. N-I-R-O. Chacun ses raisons. Paix à tous ceux qui nous supportent. Paix à tous ceux qui achètent l'album. Vrai pour de vrai. N-I-R-O. Street lourd. Miraculé. Chat. Qu'un C-A-E. Zon. Chacun ses raisons, ça c'est un des gros morceaux de l'album. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi. C'est des morceaux, c'est des couleurs différentes, voilà. Parce que c'est pas, en ce moment, c'est pas trop la mode de faire des morceaux comme ça. Mmh. Et là, faut revenir à l'essentiel, moi, je pense, tu vois. Et faire de la trap, c'est bien tout le temps, vas-y, trap. On est les meilleurs, à ça, de toute façon, ils savent très bien, voilà. Mais faire des morceaux plus profonds et plus, qui ont plus de sens, c'est beaucoup plus difficile, voilà. Ça, c'est des morceaux où je me suis livré dans mon album. Et ouais, il y en a quelques-uns comme ça, hein, qu'il faut écouter. Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a Mama aussi, Père Mamana, ma Mama, Père ma Moïma. Voilà. Et Père ma soeur, Père toute ma Mifa aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque on le live maintenant? On a des vrais trucs introspectifs. On va casser le dos des gens, t'inquiète pas, mon ami. Bah, avant le freestyle, j'aimerais bien qu'on se réécoute, qu'on n'a pas écouté en fait. Fourmi. Ouais. Moi, Fourmi, non, ah moi, oui, on l'a fait en live. On l'a fait hier en live. Moi, ouais, ce que je voudrais écouter, c'est Fidouni à mon frère. Parce que je le vois depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, les des messages. Donc voilà, j'ai vu vos messages. Fidouni à mon frère, produit par Genius. Et après, on attaque le live. Et après, on va peut-être attaquer le live. À mon avis, on va changer les paramètres. Parce que je vois que les frères sont toujours pas là. Ça arrive au cas. Ça arrive, donc voilà. Allez, on balance le son maintenant sur Skyrock. C'est Niro. Ouais, Fidounia. Fidounia sur l'album Miraculé. Miraculé dans les bacs. La planète. N-I-R-O. Ouais, ouais. Miraculé. Ouais, ouais. Fidounia. Fidounia. Solo. À 8 ans j'ai mis la gueule en. Connu la violence avant la paix, 260 km à au volant. Fidounia. Ah. Paro insolent, à 8 ans j'ai mis la gueule en. Connu la violence avant la paix, 260 km au volant. Fidounia, on prendra ce qu'il y a. On laissera tout ce qu'on a pris sur la route. Y'a la Nia, sans la foi, ça vaut à Luka miser sa vie au billard ou sur une BPS. Je veux juste ma part, je suis bien nulle part, à part à ma place. Vrai lion d'Atlas, j'ai grandi dans le Kra, ça passe ou ça chlasse. Personne va stopper mon élan quand j'ai de la vodka dans mon mélange. A chaque pic envoyé, ils ont des prétextes, des parades comme à Disneyland. Fidounia, j'ai fait que de la merde. J'ai tout pillé au bout de la mèche. La force est mentale, pas musculaire. Raoult allié, on est tous armés. Sur le terrain, que des titulaires. Ça sert à rien de m'appeler pour un feed. J'ai plus de raison sur mon cellulaire. Je veux même pas que tu me suces la bite. Fidounia, tu m'égales à poids. Tu me régales à poids. Tu m'étonnes à poids. Tu mettras pas bien tous mes sales rapports. Toujours enfermé dans nos carapaces. Fidounia, on m'a à poids. On va pas pleurer pour tout ce qu'on a pas. On est à poil, on met à poil. Ouais. Fidounia. Fidounia. On y laissera tout. On y laissera tout. On y laissera tout. On y laissera tout. Fidounia. Fidounia. Eh Pierrot, fais deux spi poto. Amène-nous le freestyle là frérot. Ouais. Fidounia. Fidounia. Fidounia. Fidounia. Fidounia. Fidounia. Miraculé. Dans les bottes. Ouais, K2A, je te reçois. Comme Alia, roule. Il faut qu'on soit mort pour nous aimer davantage. Ratatata. Rebeu et barbu, je prépare mes attentats pour que la pluie n'est pas en train. Fidounia, prisonnier, t'es masquilla. Pour un faux billet, toujours Nia. Je vais nous allier, mais sous polia, je suis fou allié. J'en perds ma voix, les gens veulent pas du mauvais œil sur eux. Mais pourtant, la seule chose qu'ils veulent, c'est attirer le regard des gens sur eux tout le temps. Faudrait savoir, t'es là pourquoi. Pour l'oseille ou pour la gloire, la folie ça se voit. Toi t'es pas fou, t'es juste un peu gogol ma foi. Fidounia, gardez vos distances, j'aurais tout vu sans les voyants. Voyons. Quand Gaza renaîtra de ses cendres, j'croirai en l'union des croyants. Pendant que la France nous présente ses fromages et ses cavaves. Les fouleurs dedans et du dentifrice. Quand l'Afrique mangera sa faim. Père nos sœurs qui portent le hijab. Père nos frères sur la bonne voie. Père tous ceux qui nous veulent du réel. Père tous ceux qui gardent la foi. Fidounia, j'aurais connu la laine et la soie. La peine et la joie, c'est pas les mêmes chants dans les estomacs. Faut pas confondre la faim et la soif. Zoulou. Fidounia. Fidounia. Fidounia. Fidounia. On y laissera tout. On y laissera tout. On y laissera tout. On y laissera tout. Fidounia. Fidounia. Paix à tous les quartiers de France. Paix à tous ceux qui soutiennent. Fidounia. Miraculé dans les bains. Fidounia. Fidounia. Vrai pour de vrai Niama. Miraculé. N-I-R-O. Roulé. Street lourd. Fidounia. Fidounia. C'est extrêmement miraculé à l'instant. Niro avec nous. Incroyable ou pas? Pendant quelques minutes, incroyable morceau. Il y a beaucoup de réactions. T'as vu les réactions? Les gens, bah, il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur morceau. Moi, je suis un peu d'accord avec eux. Mais il y en a d'autres qui sont aussi lourds. Voilà, en fait, j'ai du mal. C'est comme si c'est... tu me demandais de choisir. C'est compliqué en même temps. Lequel de mes enfants j'aime bien. J'ai pas d'enfants. Hein. Mais si tu devais choisir, ce serait compliqué. Ouais, ce serait compliqué. Ouais. Bon, est-ce que t'es prêt pour le live maintenant, Niro? Le live, je les vois, ils sont en bas, mais ils sont en train de leur faire des histoires de papier, tout ça, là. Tu vois, je les vois, ils sont tous en bas, tu les vois, que des Renois costauds, des Rebeux costauds. Bon, on peut commencer déjà une partie de freestyle et. Moscou, t'as Bertrand Cata ou pas, poto? En live, c'est un extrait de l'album celui-ci aussi, ce morceau. C'est ce qu'on va écouter dans un instant. Et puis arriver donc de la surprise de Niro. On va vous faire Bertrand Cata, les Cata du futur. On vous met bien la famille. Allez, c'est parti maintenant. Attends. J'entends Moscou qui dit attends. Faut lui laisser le temps de préparation. Je croyais plus rapide que ça en fait. C'est la nouvelle coupe. C'est ça, il a perdu avec cette nouvelle coupe en fait. Il a perdu en rapidité. Et Fred. Mr. Flou. Fred. Ouais. Alors regarde, je vais juste profiter du moment là en attendant le freestyle pour vraiment rappeler que les labels indépendants ils ont vraiment un rôle de ouf à jouer. Ils ont un rôle hyper important dans la musique, dans le rap surtout. Donc voilà, paix à tous les labels indépendants. Continuez le combat, continuez le combat. Et la preuve avec Street Lourd. Voilà. Exactement. D'ailleurs, il y aura d'autres sorties pour pareil des albums de Street Lourd qui vont arriver. Il y aura plein de surprises, en tout cas beaucoup de surprises, beaucoup beaucoup. Donc voilà, la route est longue. Donc, voilà, on est dessus, on est là encore. Et donc, voilà, force à tous les labels indépendants. Une arrivée dans le studio. Monsieur Caris, ça va bien Caris? En forme? Et ben voilà, ça s'installe dans le studio. C'est la surprise ce soir, c'est la surprise de Niro. Clic. Et la mort ou Chichi. Voilà. La mort ou Chichi, c'est ce qu'on va écouter peut-être maintenant. Là, Niro, libre choix. Ouais, monsieur K2L. Est-ce qu'on peut attaquer tout de suite? Est-ce qu'on peut attaquer tout de suite pour le live? Niro, arrive dans le studio. Niro, est-ce qu'on peut y aller? On y va? On attaque. Allez, c'est parti. La mort ou Chichi, on y va, c'est parti en live. Allez, on y va. Ça va bien, Caris? Oui, bien, bon. En forme? Monsieur Caris est là dans la maison. Allez, on y va maintenant en live, d'entrée de jeu. Rien de personnel, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Appelle le 18, appelle le 17. Rapper comme ça, c'est vite. Dev sur ma beat comme sur ma mixte. La drogue a fait des ravages sur nos terrains vagues. L'antipé a pas sa dette. Il nous pose sa tête sur une terrasse. Braque, on le R impose. Joue pas les gangsters, rap le mec en place. En face, t'as des vrais rapas. Comme les grosses baffes à ton papa. Quand on arrivera, tu nous verras pas. J'ai changé de plus, fils de pute. Tu pourras tous nous mettre sur les coups. Garde la paix, j'avale le noyau. Meurs sur le coup. J'sais pas sur eux, j'leur mets des clubs. Y'a que pour l'oseille que j'me déplace. Moi j'leur parle de faire du cash. Et ils me parlent de faire des clubs. N.I.R. K2A, tu l'attendais, maintenant tu l'as. Toi t'es musclé, mashallah. Nous on est armés comme le Hezbollah. On veut la peur, l'argent de la peur. Nique sa grand-mère à la témière. Si j'te fends la chatte en deux, qu'elle les va tomber la première. Oula. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Un personnel c'est que du business. Ouais. La mort ou Tchétché. La mort ou Tchétché. La mort ou Tchétché. La mort ou Tchétché. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Ce droit. J'lève le trou. On légise les points et les forces de l'homme. Si j'ouvre la bouche, ce sera seulement pour vous mordre. Ok. Ils ont rien d'autre à foutre. Ouais. C'est ouf, ils s'ennuient. C'est pas encore le jour de l'an, ils ont déjà la fousse qui s'enlit. Un arc-en-ciel de billets aux couleurs bariolées. J'arrive pas à allumer ma clope car j'suis en cabriolet. Moi je sais pas faire son bloc parce que j'suis un vrai négro. Si je retire mon masque, je vais m'arracher la peau. T'as la steak sous le liggy. J'ai les becs sous le gilet. Les épaules t'as la viking. Et la gaule t'as la mulet. Je mets des pas dans les jacuzzi. 5,65 dans le magasin du Uzi. Trouve-moi un repère de la taille. Si tu veux boire mon espère à la paille. La hagra, paix, si t'es un losbo. Tu nous connais. Miston, sus, tout pareil. Ce sont des robots siliconés. Je serai dans le VIP 6 star. Bouteille de sirop, 13 dans le seau. Ou à têter les gros seins de Cheetah. À la crèche du zoo. S.E. Tout le monde. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Un personnel c'est que du business. Oula. La mano chichi. La mano chichi. La mano chichi. La mano chichi. S.E. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vie. On a dépassé trop long, nos équipes ont dépassé trop long. Vrai reconnaissent, vrai appelle-moi t'es qui, je te reconnais pas, c'est chelou. On a dépassé trop long, nos équipes ont dépassé trop long. Vrai reconnaissent, vrai appelle-moi t'es qui, je te reconnais pas, c'est chelou. Tout le monde a un personnel, c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Eh celle-là c'est pour tous les feuilles de PLO. Pas de Zanierro, Sevron, Barna, Niero, Bisbarna, Sevron, tous les frères de Joinville, Solvoy, Mam, Snyder, Nanterre, NMD, Villepinte, Miraculé, Miraculé, Le Vagarin, les frérots, Thérapie Musique, Thérapie Zou, K-double-A, a.k.a. Tal, Sadou, Niamma, Mams, Nanterre, Mams, on est là pour tout. Paix à tous les quartiers de France, paix à tous les frères incarcérés, encore une fois les frères. Paix à vous tous. Écoute, écoute. Les frères de Villeneuve, Villeneuve. Miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, miraculé, ouais, miraculé. Ouais. Me la raconte pas quand je dis que je suis meilleur que toi, je fais juste un constat réel. Mon flow a fait des beaux enfants, leur mère la plus plus de faire un test ADN. Salutations, ouais. Je me présente plus, ouais. J'ai marqué mon temps, je sais qu'ils sont pas contents. Cette pute m'a dit qu'on m'attendait plus, mais qu'on m'attendait plus que ce putain de beau temps. Arrête pour vouloir faire le mec à toucher à mon chat. Va t'arracher tout ton chien, mon chat. Pas dans le même genre de jungle urbaine, pas les mêmes guerres, pas le même genre de chat. L'argent fait pas le bonhomme, crois pas que t'en es un parce que t'en veux plus. Tu veux ma chute, mets-toi dans la file d'attente. Tout nique ta tante, l'un des plus. Bientôt il sera trop tard pour négocier. Ils sont pas contents de voir LIR au billet. Fais pas la bise dans mon temps, prends ton bif en même temps. Ma oblée d'investir dans l'immobilier. J'ai assumé tout seul, toutes mes soirées veillent. Tous mes ennemis sont vulgaires. Vite, fuck tous mes ennemis, veillent. Enchaîne les séries, trompe les séries. Vite, sans domicile et sans idée. Fils, leur souhaite la mort sans hésiter. Fils, juste un 16 et leur vider. Fils, la rue, la vraie, je sais qu'elle est terrifiée d'amant. Zama, ils sont des terribles normes. Un couche là dans les ligaments, c'est pété quand c'est évidemment. Miraculé dans les bacs, y'a tout bello qui est là. Y'a Bouche B qui est là, y'a Bouche Bézère, y'a Mess qui est là. Y'a Pierrot, y'a Gros Yeux qui est là, on est là, y'a Foy, L.I.R.O. Miraculé. Envoie, un, yes. Oh, yes, sure, Barney, bon, un, 9-4-1-0 mon gars, sure, fais du bruit. Miraculé, Mansou, Mansou, j'ai appris à parcourir après les dents. Faut pas faire les choses bêtement et kick juste pour Béflan. Oh, j'entends pas la prod. Boris Toulouse. Un, sure, t'es comme Mike comme Dave. Un, yeah. J'ai appris à pas courir après le temps. Faut pas faire les choses bêtement éthiques, juste pour Béflan. J'ai grandi les deux pieds dans le béton. Les embrouilles, les endettements, pas de billets dans les vêtements. Ni une balle traîne, ni un truand. Ça va nous signaler sous l'instru. Je connais bien un rap, je crois, j'ai dribble l'instru. Y'a du flow, y'a de la technique dans le pack, c'est inclus. Gros projet à petit budget, il ne faut que juger. Fais monter la sauce, tu veux pas se tâcher. Le public s'est attaché, maintenant il faut qu'il lâche. Je fais pas les choses à moitié, j'ai pas niqué tous mes gâches. Beaucoup talent gâché, je découpe à la machette. Je répète, je découpe à la machette. On veut gagner la compète, ramasser les pépettes, arrondir nos pockets, faire qu'un chrono compère. Merde, pris comme une petite sur le concept, qu'est-ce que tu estimes. Je ferai les meilleurs concerts, plus de ma service qu'une foutue boîte de conserve. La concuelle et qui t'a ton cousin sans les couvercles. La tatata, le savoir est une arme et tu crois qu'on sait pas. J'ai qu'à fouiller l'instru, y'a personne qui sépare. Les tiens et tout braque et chacun prend sa part. Ils sont dans la merde. On a des ronds, c'est un bon pour une entorse. On va les clés du coffre, calculer comme des corses. Faut pas lever les crosses, yeah. J'ai dit fuck à l'école, yeah. Maintenant faut que je décolle, yeah. T'inquiète, j'ai les bons codes, yeah. Oh, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ouais, ouais, Hassler, Ra, oh ouais, Ra, la famille, du machine, ok, écoute ça, poteau, Duc de Blois, ok, miraculeux, ok, ok, messieurs, désolé, mais c'est déjà la fin de cette émission, merci à vous tous, en tout cas. Trop tard, désolé. Eh, mes sables, tac, si vous m'entendez, mes sables, tac, mets du bouche-car. Là où toute la jupe de Blois. Merci à vous tous. J'aimerais qu'on essaie de récupérer Niro qui doit être quelque part, je sais pas où. Pour dire au revoir, merci en tout cas à l'équipe de Street Lourd, Teddy Corona, Mista Flo, DJ Moscou, j'allais dire Moscou, DJ Moscou qui était là aussi avec nous. entre 20h et 21h sur Skyrock. Est-ce qu'on peut récupérer Teddy, tu vois Niro quelque part ou pas? T'arrives à voir Niro quelque part ou pas? Écoute, il est dans les couloirs là. Il est dans les couloirs. Mais voilà, on va essayer de le récupérer. Merci, okay. Merci à vous tous. Ok. Voilà, il y a. Allô. Moscou. Voilà, il y a. Allô, comme d'habitude, il y a un gros yeux là qui est là, et c'est vendredi. En tout cas, souhaitez une bonne, un bon week-end aux prisonniers. J'espère, Inch'Allah, ça vous fait du bien, ce son là, mortel là. Vous avez écouté là, Kiki ou la mort? Titi, la mort ou Titi, gros yeux? Tous les mecs de Fresnes et de Fleury, de Jacques Cartier, du 9-4, Montreuil, Montfermeil, le 41, et à mes cousins Ousmane. Merci à vous tous, merci gros yeux, Moscou, tu voulais dire un truc? Et à Poutine, Poutini, Hichem. Je crois qu'on a un peu perdu tout le monde. Bon, écoute, voilà, donc miraculé. Miraculé. Voilà, dans les bacs, allez le chercher. Street. Merci à Karis qui est passé ce soir. Grand big up à Karis. Ah, à deux ans. Ouais, là. Ok. Ouais, merci Fred. Pour la semaine. Belle semaine, Fred. Et on va retrouver des foules maintenant sur Skyrock. Ouais, voilà, merci Fred. Il y a du monde ce soir, dis donc, dans Planète Rap. Non, c'est très calme. Oui. Merci à Niro pour cette belle semaine Planète Rap. Le retour de Planète Rap en direct lundi. Avec qui, Fredo? Ah, ouais, alors justement, tiens, à propos. Juste deux secondes, s'il vous plaît. Deux secondes. Il va devenir fou. Tu arriveras pas, Fredo. Non, juste deux secondes, parce que je voulais juste qu'on dise un mot. On devait avoir Jules la semaine prochaine. Il lui arrivait un drame avec un de ses proches d'ailleurs. Je voulais avoir une pensée. On l'a dit hier, Teddy. On avait déjà eu une pensée hier. En tout cas, voilà. Exact. À tous les proches. Grosse pensée. Voilà, avec Tota, avec toute la famille. Voilà. On sait ce que c'est. On le soutient. Voilà. Donc malheureusement, Jules, et ça, on peut le comprendre, ne viendra pas la semaine prochaine pour faire son Planète Rap. Donc on sera avec DJ Amida qui sera là. Entre 20 et 21. C'est Jamida. Et on a une pensée à Jules et tous ses proches, à Tota et tout le monde. Grosse pensée à la famille de Tota, tout ça, les frérots, Marseille, Paris, on est ensemble quoi. Merci à vous tous. Salam. J'ai pas fait tourner la roulette, mais Diffoul, tu le feras tout à l'heure. Avec plaisir, oui. On va faire tourner tout à l'heure. Ouais, vous êtes un peu full, oui. Merci Fredo. On te retrouve tout à l'heure à minuit pour la nocturne de Planète Rap. Ouais. En direct, la nocturne tout à l'heure. Et d'ici quelques instants, vous tous en direct. Enfin, les pronostics pour l'équipe de France de foot, là. Eh oui, le match approche, c'est dimanche. Vous pouvez déjà laisser vos messages, allez-y, faites péter. Fredo, à tout à l'heure. Planète Rap, le retour, c'est dans un instant pour la Radio Libre. Et juste après. Ciao. Ciao, Fred. Envie de mater la Coupe du Monde.